Marhaba bikoum fi barnamej Sundouq Sindibad. Bienvenue dans l'émission La Malle de Sindbad. Bonjour Julie. Bonjour Sébastien. Vous venez d'entendre Elward Gamil, donc La fleur est jolie, un titre de 1946 qui est également connu sous l'appellation Lorat ez-Zuhour, Kalimat Bayram et-Tunsi, les paroles sont de Bayram et-Tunsi, Alhan Zakaria Ahmed, la musique est de Zakaria Ahmed et c'était un extrait du film Fatima. Alors Sébastien, comment le romantisme cède-t-il la place au réalisme ? Eh bien, nous allons effectivement aujourd'hui parler de l'âge d'or et il ne faudrait pas que l'intitulé de ce quatrième volet nous induise en erreur. Point d'eau tranquille à naviguer. La Seconde Guerre mondiale n'a pas épargné l'Égypte, qui traverse alors une très grave récession. La partition de la Palestine en 1948 amène le pays en pleine ébullition à intervenir militairement contre les troupes israéliennes. On le sait, c'est une première défaite qui sera lourde de conséquences. Retenons néanmoins une bataille, la bataille du village d'El-Fallouja, le dernier bastion tombé lors de ce qu'il convient d'appeler désormais la Nakba, cette grande défaite. Ce dernier bastion est tombé après avoir soutenu un siège de 3 mois face à un ennemi sioniste qui le rasa et en chassa les habitants. Parmi les défenseurs se trouvait le capitaine Gamal Abd Nasser. Il est lourd à porter le fardeau de l'humiliation. Il précipite la société dans la colère. La fuite romantique qui avait imprégné la vingtaine d'années écoulées a vécu. Usée jusqu'à la corde, elle s'éclipse au profit d'un art indubitablement engagé sur le sentier politique. Ses promoteurs s'efforcent d'exprimer aussi directement que possible la réalité du monde dans lequel ils vivent. Oum Kulthoum s'adresse à une génération qui a changé. À cet effet, elle s'attache à la collaboration de nouveaux auteurs pour actualiser les figures et les thèmes qui hantent ces airs. Ce populisme, pour reprendre le concept de Virginia Danielson dans son essai The Voice of Egypt, débouche sur une série de compositions signées Bayram et-Tunsi pour les textes et Zakaria Ahmed pour les musiques, à l'instar d'El Awila fil Haram que nous avions passé en playlist. Nous vous proposons à présent un nouveau titre, Ranili Shwaya Shwaya, un titre de 1944, Kalimat Bayram et-Tunsi, les paroles sont de Bayram et-Tunsi, Alhan Zakaria Ahmed, la musique est de Zakaria Ahmed, et Ranili Shwaya Shwaya est un extrait du film Salama. Bonne écoute. Ranili Shwaya Shwaya وخد عيني غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني خليني أقول الحان تتماين لغى السمعين وترفرف لغى الأغصان النرجس مع الياسمين وتسافر بها الركبان طويل البواد الطاي شوي شوي شوي شوي غني لي غني وخد عيناي شوي شوي المعنى حياة الروح اسمها قليل تشفي وجيش ويغني لي وخد عينيك غني لي شويش C'était donc Ghanni li Shwaya Shwaya, un titre de 1944 qui était extrait du film Salama. Peut-on dire d'Oum Kulthoum qu'elle est une artiste néoclassique ? 20 fois sur l'ouvrage, 20 fois sur l'ouvrage, Oum Kulthoum pèse et sous-pèse méticuleusement les influences au soubassement de son style. Elle s'évertue à concilier, ou bien devrait-on dire à osciller, entre des chansons populaires, portées, on l'a vu, par Bayram Tounsi et Zakaria Ahmad, d'une part, mais également des morceaux plus complexes. On songe à la facture d'un Rami ou d'un Shawqi sur des partitions d'Essumbati. Et elle réalise ce mouvement de balancier en étant bien consciente qu'il s'agit en l'espèce d'un équilibre délicat. Aussi éloigné puissent être en apparence ces deux postures, elles témoignent de leur dette à l'authenticité, la asala. On ira raviver. C'est ce que l'on appelle en arabe le phénomène du ihya, ihya et turath. On ira raviver les pages du patrimoine, le turath. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Occident a échoué. Parce qu'en fait de promesses de progrès, ce dernier n'a apporté que du sang et des larmes. Ces trahisons, et 1956, la crise de Suez, ne détrompera personne sur ses intentions, peuvent rendre compte du rapprochement opéré dans les années 1940, ou tout du moins sur le plan idéologique, entre des courants nationalistes et les frères musulmans. Si le morceau « Salour Qalbi » est au départ une louange au prophète, Ahmed Shawqi l'avait rédigé en 1914, eh bien sa version chantée, il sera mis en musique courant 1946, devient un véritable hymne indépendantiste, un de ces vers traduisant dans l'après-guerre les aspirations émancipatrices. « Wa ma ni l'allemand talibu bit tamanni, wa lakin tu'khadu dunya rilaban » Et si on traduit, ça donne à peu de choses près, ce n'est pas à travers les souhaits que les revendications sont exaucées, mais c'est bien par la force qu'il nous faut nous emparer du monde. Le morceau « Salou Qalbi » sera diffusé intégralement lors de notre prochaine playlist. Revenons donc à présent à l'adjectif néoclassique. Oum Kulthoum respecte bien des critères du classicisme musical. Au départ, elle s'élève progressivement dans un mode, cheminant des graves aux aigus. Au cœur d'un morceau, elle s'écarte vers des modalités voisines, sans ménager ses diminutions et effets. C'est l'incontournable taswir el marana, le fait donc d'être capable, par l'expression musicale, l'articulation, eh bien, d'illustrer, de donner une image du sens. Puis, elle revient, en conclusion, au maqam initial. Elle sait en revanche s'accorder à la modernité d'une avant-garde, non seulement en incluant de nouveaux instruments, et on se rappellera que son tart n'aura de cesse de s'étoffer au fil des ans, mais aussi en acceptant les créations de ses compositeurs. Elle prise chèrement les mélodies difficiles, fière de cette élégante distinction, pour emprunter un Bourdieu, une catégorie qui lui sied à ravir. Elle intervient très activement dans la composition du texte et de la musique, et on doit à la ténacité de ses vues la popularisation d'une poésie classique, la qasida, auprès des masses, notamment dans le fond Ahmad Shawqi. C'est finalement elle qui grava quantité de vers sur les lèvres de millions d'Égyptiens. Et pour nous quitter, eh bien, nous vous proposons un morceau un petit peu plus long, El Amal, il date de 1946, Kalimet Bayram Tounsi, paroles de Bayram Tounsi, Alhan Zakaria Ahmad, musique de Zakaria Ahmad, et nous vous disons au revoir, ma'assalama.